Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Premier Acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle. Bon dimanche sur les ondes de CKRL. Avec Christian et Étienne à l'animation, vous êtes un exil musical. En direct de Limoilou, 3e avenue. Exil musical, exil musical. Reggae, Afrobeat, combien faut que tu couvres en fond. Mon leçon, c'est exil musical, ce qu'est le 89. Yes, yes, yeah! Bienvenue à cette 48e édition d'Exil Musical. Bienvenue à bord, mon nom est Christian Lavoie. Et ce soir, je vous prépare ma sélection musicale de Noël que j'ai faite une sélection pour vous. Je revisite des grands classiques de Noël, mais toujours dans le thème de l'afrobeat et du reggae. On va aller dans les Antilles, on va aller bien sûr en Jamaïque, on va visiter aussi également du contenu francophone. Mais contrairement aux vieux classiques que vous connaissez de Noël, on va avoir une saveur différente. Et pour débuter, je débute avec Trevor et de Maytone et Everyday is like Holiday. Vous êtes à CKRL en compagnie de Christian Lavoie, Exil Musical. Poursuit avec un petit Rasta Claus. Then Christmas. J'aimerais souhaiter bonne fête à la belle Elisabeth Martel. C'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête, ma belle Ellie. Oh, ganja tree, oh, lovely are your branches. Plant only green in my garden, and also winter in my greenhouse. Oh, ganja tree, oh, ganja tree. How lovely are your branches. We wish you a Merry Christmas. We wish. On poursuit avec Gonzo et Christmas Melee, spécial des fêtes avec Exil Musical et Christian La. Wow! CKRL 89.1. Christmas wish, all your days merry and bright, oh yeah, and if I had just one Christmas kiss, your heart would be filled with light, oh yeah, so come on baby, don't get shook up, I ain't calling just to hook up. Straight countries. Mom's in the kitchen baking all the treats. Oatmeal, chocolate chip, cookies, please. Train went sad by the traffic now. Don't need to go and shop to express your heart. You see the littlest things and the smallest stats. Got a hundred all over and you'll never be forgotten. No, don't need no present to look like Christmas. Don't need no money on my Christmas wish list. Know that you're blessed even when you've been bad. Prayers for the one that's all alone and don't have. Hover you to the North Pole, keep it in check. No matter what your skin color or your dialect. This is the season to love again. Melancholy Kamaka to all of my family. Merry Christmas. Christmas, naughty or nice, let me see your wish list. Wish you a Merry Christmas, spirit of love, spirit of forgiveness. Wish you a Merry Christmas, naughty or nice, let me see your wish list. Wish you a Merry Christmas, spirit of love, spirit of forgiveness. Dwight, Richard. Prochaine pièce, je vous présente ma préférée de chanson de Noël. Elle vient tout juste de sortir et c'est déjà ma préférée. Ken Boots et Reggae Christmas. Et un petit conseil, si vous fumez des feuilles de gui, fumez des feuilles de gui Caron, il y a de l'excellent jamaïcain. Vous êtes à Exil Musical. Every year I get the same feel. Christmas come on, I pack my box and flee. I wanna get away from New York, find another place to be. So we're having a reggae Christmas. We are having a good time too. We're having a reggae Christmas. Jamaica. And a reggae New Year to you. Christmas is nice in Germany. If you like being up to your knees in snow. Just as cold up in Canada, we have to find another place to go. Excellent Reggae Christmas. Ce soir, je vous amène pas au pôle Nord, je vous amène au pôle Sud. Mais avant ça, je vous amène à une courte pause. Ne bougez pas, on revient dans deux minutes. CKRL 89.1. Vous avez envie d'action? Oui. Envie de gagner gros? Ben là, oui. Sportcoaching.com, le site de paris sportif numéro 1 au monde. OK, mais vous êtes où dans le monde? On est à l'international. À l'international. Mais est-ce que vous êtes au Québec? On est dans l'Internet. Fait que mon argent s'en va... À l'international? Dans l'Internet. Mouais... Non. Je débarque. Non! Le seul site de casino et paris sportif 100% légal au Québec, c'est celui de Loto-Québec. Jouer local, jouer légal, jouer en confiance. Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Salut, c'est la bottine souriante. Si comme nous, vous êtes du monde de party et que vous voulez un retour bien accordé, n'oubliez pas d'appeler l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Et si vous aimez autant veiller tard que veiller sur le monde, ben on est toujours à recherche de bénévoles. Si vous voulez partir, Nez Rouge vous ramène à la porte. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Ici Raymond Poirier, conseiller municipal du district Limoilou à la Ville de Québec. Je vous souhaite un heureux temps des fêtes et mes meilleurs vœux pour le nouvel an. Vous résidez dans les quartiers Vieux-Limoilou ou Lairet? Je demeure disponible pour vous accompagner. Vous pouvez me contacter par téléphone au 418-641-6411 poste 3504 ou par courriel à raymond.poirier@ville.quebec.qc.ca. N'hésitez pas à me joindre. Et si ce Noël, vous offriez plus qu'un soin de beauté? À la Clinique Equinox, on réinvente la médecine esthétique en douceur avec des soins hautement humains, alliant technologie, bien-être et résultats naturels. Que ce soit pour un facial, un soin du corps ou un moment de détente, nos cartes cadeaux sont offertes avec jusqu'à 25 % de remise tout le mois de décembre. Equinox, l'équilibre entre beauté et bien-être. À Le Bourgneuf et à Beauport, cliniqueequinox.ca. À Noël, offrez un moment magique au Palais Montcalm. Votre amoureux est passionné de cinéma muet? Offrez-lui Cameron Carpenter à l'orgue, accompagnant en direct le film Le Fantôme de l'Opéra. Votre mère adore la chanson française? Thomas Fersen la comblera.

nights can be so cold without someone to hold. But when I have her next to me, baby, I'm in ecstasy. It may be winter outside, but in my heart it's spring. How much joy and pleasure, baby, can one girl bring? Not the same when she's not by my side, and yet I shouldn't complain, but be waiting with arms open wide. It may be winter outside, but in my heart it's spring. How much joy and pleasure, baby, can one girl bring? It may be winter outside, my heart is spring. How much joy and laughter, baby, can one girl bring? Yeah, it may be winter outside, but in my heart it's spring. How much joy and pleasure, baby, can one girl bring? On poursuit avec Jay Day Clark et la pièce Holiday. Ben oui, Holiday. Thank you. factory floor. Then he ran off to join the peace war. He led the charge into the terror zone. Then left us on our own. Ok, on change de registre, on va y aller Afrobeat. Santa Claus is coming tonight avec Animals. Une version complètement différente, pardon. Et cette fois, on est dans l'Afrobeat. Taking it twice, gonna find out who's naughty or not. And Santa Claus is coming to town. He sees when you've been sleeping, knows when you're away. He knows you'll be bad or good, so be good for goodness sake. Hey, hey, hey. Little tin horns, little toy drums, rooty tum tums, and rock a tum tum. Santa Claus is coming to town. Oh, yeah, yeah. Got a head old, got a bank, elephant bones, get a costume. Santa Claus is coming. Knows when you're away. He knows you've been bad or goose, so be good for goodness sake. Since we got no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and that Bobby some call for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, little snow. I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.

time to go climb walk and say be a jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. This and mingle in the jingle feet, that's a jingle bell rock. Jingle Bell, tout le monde. La prochaine pièce est tirée de l'album Noël dans la rue, contenu francophone, avec Barf et Anonymous. Je la dédie à mon beau-frère. Pour toi, bro! Tout le monde à genoux devant le curé! Yeah. Voici le Rédempteur, toujours dans le spécial Noël de Exil Musical. Et ce qu'on vient d'entendre, ce n'était pas du reggae et ce n'était pas de l'afrobeat. Nous allons revenir dans notre contenu habituel, reggae et afrobeat, mais sur le thème de Noël. Mais juste avant, on fait une courte pause et on revient. CKRL 89.1. Premier acte et la Vierge folle présente Peter Pan de poche. Que vous ayez 7 ou 77 ans, venez vous réchauffer dans les voûtes de la Maison Chevalier, vous servir dans notre irrésistible bar à dessert et apprendre à voler avec le garçon qui ne voulait pas grandir. Un conte musical drôle et enchanteur conçu pour toute la famille. Du 20 au 31 décembre au cœur du Petit Champlain. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle. Du 27 au 31 décembre, c'est le party au festival Kaléidoscope. Angine de poitrine, Mon doux seigneur, Sémienne, So Called, Les Deluxe, plus de 30 spectacles au cœur du Vieux-Québec et c'est gratuit. La meilleure façon de finir l'année. Détails sur kaleidoqc.ca. De retour sur les ondes de CKRL avec Christian Lavoie. Ce qu'on écoute, c'est Nathan Paul, ce excellent musicien saxophoniste. Et je profite de cette petite interlude pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Mais ce que je vous souhaite, c'est de lâcher prise. Slaquer un tour, slaquer deux tours. Levez-vous quand ça vous tente. Souper au toast, au creton. Déjeuner dans le salon en pyjama à midi, oui, c'est possible. On lâche notre fou. On se laisse aller. Vous êtes à Exil Musical, CKRL 89.1. Yeah! Thank you.

Toujours à l'écoute d'Exil Musical. On était dans un petit bloc trip-hop en revisitant des classiques de Noël. Maintenant, on y va avec Anomaly et Last Christmas sur les ondes de CKRL 89.1. Sélection musicale de Christian Lawoor. Yeah, Lawoor. On s'excuse, elle est tellement bonne qu'on l'a fait jouer une deuxième fois. Last Christmas! Faire plaisir, embrassez quelqu'un de ma part. Prenez quelqu'un au hasard, embrassez-le et dites que c'est de la part de Christian Lawoor, parce qu'on est dans notre spécial Noël reggae et afrobeat. Une belle pièce tout en douceur. Nacho, Marco et Adore. On poursuit avec Inner Circle et Black Santa. Sur les ondes de CKRL, vous êtes. Vous êtes à Exil Musical! Somehow you will show. On va poursuivre avec ma deuxième pièce préférée de Noël, Soul Santa Orchestra. C'est bien sûr The Poet of Rhythm sous un autre nom, avec la pièce Santa Got a Bag. You got Yeah, it's a Christmas town. Avec Christian, la war. Et nous, on va faire une courte pause pour atteindre le dernier bloc musical. Ne bougez pas, on revient. CKRL. Du 27 au 31 décembre, c'est le party au festival Kaléidoscope. Angine de poitrine, Mondou Seigneur, Sémien, So Called, Les Deux Luxe, plus de 30 spectacles au cœur du Vieux-Québec et c'est gratuit. La meilleure façon de finir l'année. Détails sur kaleidoqc.ca. Elle est enfin de retour, la fameuse galette des rois de la boîte à pain. Feuilletée, gourmande et pleine de bonheur à partager. Qui sera le roi ou la reine? Réservez votre galette dès maintenant à la boîte à pain. C'est le temps de festoyer. Ici Pierre. Et Michel, du supermarché Pierre Jobidon de Limoilou. On vous souhaite un Noël rempli de rires et une année 2026 exceptionnelle. Profitez-en pour vous gâter et bien manger. Santé, bonheur et prospérité. Joyeuses fêtes et bonne année! Your love and kisses. I don't need no wishes. Just just give me all your love. This love is free, love is for free. Yeah. Christmas time comes once a year. Yes, it does. Avec les Boogaloos. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter là, pour cette année là? C'est casser votre algorithme. Que ce soit dans vos réseaux sociaux ou dans vos réseaux musicaux. Cassez-moi ça! Déstabilisez-le. Faites-vous une nouvelle sélection musicale. Faites-vous du renouveau. On va poursuivre avec Mighty Sparrow et Xmas Moppers. Vous êtes à Exil Musical. Comes from people who don't know what to say. They like to use words that's big and long, and they know when they're using it wrong. Some moppers come by me last Christmas day. Eat me out and drink me in, they washed away. I had a swell time, they started to boast. But before I go, let me make a toast. And they tell me, yes, to my good friend, I wish that he and everybody live in enmity. I wish him ill health and adversity, disaster and strife eternally. I second the motion. Oh, telly loose. You better get to hell out me house. You can't do him that. And next one said to me, what he said should make you feel happy. I was shocked because this was a friend of mine. A tired lending money, we just get along fine. So when he say he liked the remark, I say he must be booze and making skylark. But he said, may a cup of sorrow never run dry. May misfortune follow you until the day you die. You are such a nice, quiet, illiterate lad. Your obnoxious company make me feel glad. I said, man, devotion. A long MAGA one they call Dabrio. Say three cheers for insipid Sparrow. The fame and fortune that he has accomplished, I wish it all would rapidly diminish. He's a fella that I have always despised. I don't know why people just watch him and criticize. His stupidity is unsurpassed. In other words, he's a hypothetical ass. May his friends bring him joy and frustration, impose on him and lift him to degradation. He's a jolly good fellow and a kind reprobate, unscrupulous and always inconsiderate. Say a second emotion. So rude, repaying kindness with ingratitude. Lord, well I grinding like a sugar mill. I ain't know which one of them to kill. But I grab me cutlass and I pelt a blow. I never see drunken people take off so. My wife laugh, she laugh till she choke. And telling me I must learn to take a joke. Boom, boom, lumically speaking, you're a pussyistic man. She said, most illiquitably full of shitification. Your splendiferous views are too catastical, too contemoratic and too pitchilistical. I second the motion. Celebration, you don't wanna miss it, no reason. So good for your fish, special occasion. Enjoy party of our conception. 7 days of deep meditation, informant all principles of our nation. Each of those principles is a good way to make our life much better every day. And family all together in one love and unity. You just often get into Nguzo Sapa and make it happen for happy Kwanzaa. We're just sing on the path of our ancestors. Gonna make us stand up forevermore. Responsibility. This is your La prochaine pièce, je veux vous la présenter. C'est Jonel. J-H-O-N-E-L. Je trouvais le texte vraiment intéressant. Que la Monsieur paix Costard. Et ton âme à jamais ne se quitte, René Marron. Tu disais dans Batouala il y a 100 ans, civilisation, civilisation, orgueil des Européens et leur charnier d'innocents. Tu as osé dire ce qui blesse, ce que personne auparavant n'a tenté révéler, ce qu'aucun colon n'attendait des nègres. Tu n'es plus aujourd'hui, mais ton combat n'est pas fini. Nombreux ont laissé leur vie dans Lumumba, Sankara et Boganda. Que la paix et leurs âmes à jamais ne se quittent. L'Afrique se réveille et prend en main son destin. On ne veut plus de ces dirigeants qui n'ont d'oreilles que pour l'Occident. Il y a des mouvements de changement un peu partout sur le continent. Il y a aussi Monsieur Costard. Et le soir, Monsieur Costard apparaît à la télé à la même heure, les mêmes phrases. Nous devons aider les Africains à se développer. La sécurité des pays africains est notre priorité. Hey. Monsieur Costard prétend que le troupeau ne sait plus où aller. Il lui faut un berger qui va dicter les règles et trouver des moyens pour entraver la liberté. Et mieux, Monsieur Costard construit des enclos, graisse les plus rebelles qu'il qualifie de porte-flambeaux. Et le soir, Monsieur Costard apparaît à la télé à la même heure, les mêmes phrases. Nous devons aider les Africains à se développer. La sécurité des pays africains est notre priorité. Cependant, le coton de son costard, l'électricité de sa demeure, son or, son chauffage, son café du petit déjeuner, son chocolat du goûter, le carburant de sa voiture, l'énergie de son quotidien, le ciment de sa maison repose en partie sur des pays qu'il prétend aider. En attendant sa largesse, nos pays peinent à se rélever. Et le soir, Monsieur Costard apparaît à la télé à la même heure, les mêmes phrases. Nous devons aider les Africains à se développer. La sécurité des pays africains est notre priorité. Et à ce qu'il paraît, Monsieur Costard a les bras longs. L'Afrique a plutôt les bras durs, des bras forgés pour payer les factures. Contre nous, pendant des années, Monsieur Costard conspire. Mais pour se relever, nous n'allons pas monter les marches, non, nous allons plutôt les construire. Car tisser au fil d'hier solide est l'Afrique. Mais les voies sont faites, tout y est écrit, nos voix sont de tête, nous sommes tout aguerris. À la guérite, à la guerre, comme au dire, sans médire, sans mot, dire. Aujourd'hui, le wagon de la rébellion nous tire. Worth Music. Let's cook. Hot buttered, sugar coated and glazed. Fruity marinade inlaid the slow braise. Sweet succulent sounds of meat juice sizzling. Steam lips as we quickly lose discipline. Smelling delectable delicacies. Enveloping the kitchen, man, I nearly fell to my knees. Each heavenly scent beckons me. But even eating, but I'm ready for seconds of this recipe. Fluffy mash, gravy by the plateful. Cranberry sauce, marmalade on the baked roll. As cheese melts to make my mouth watery. Sauteed asparagus, I hit the lottery. Licking my lips cause my Christmas list only has one wish, it's deliciousness. So if you're a food acolyte and you have the appetite, come on, grab your fork and knife and have a bite of all the flavor. Turkey, geese, or lamb, roast beef, or ham. And I try to savor each tantalizing taste. As I'm eyeing the side plates full of pie and cakes. There's honey gingerbread, pudding served with whipped cream, frosting on a Yule log, waiting to be licked clean. Snickerdoodles, grandma's hand in the mouth. Better forget about your diet and your calorie count. There's fudge and toffee, a box of chocolates, jelly beans, peppermint drops, lots of options. Nougat and peanut brittle, caramel corn. Hit my palate like a mallet, man, I'm glad I was born. Then I wash it down with apple cider or cocoa, eggnog, cold wine, ladle from step back, paying respects to the apron and the chef's hat. You're quite nice, but calling every device is your dice and your slice to add all the spices. Filling the home with a wonderful aroma. I'm drifting out to dreamland in a food coma from the flavor. It's called flavor. Flavor de la formation The Allergy. On poursuit avec Basil et la pièce Holiday Remix. red trousers, big white beard seen all round the houses, jingle bells wherever he goes, carrots and a ho ho ho. Santa Claus, some call him Father Christmas. Santa Claus, he's always up to mischief. Santa Claus, some call him Father Christmas. Santa Claus, he's always up to mischief. Santa Claus, some call him Father Christmas. Santa Claus, he's always up to mischief. You just get off? A little bit of a break between shifts, I guess. Alors, c'est mon dernier micro car nous entamons l'atterrissage tranquillement. On s'approche de 9h et on va laisser place à la croche-oreille avec Gaétan Gosselin. Alors, on vous invite à poursuivre votre voyage sur les ondes de CKRL 89.1. Si vous avez aimé, la sélection musicale de Noël, vous pouvez toujours la réécouter sur le ckrl.qc.ca et rechercher Exil musical. Étienne Parent, le Bourdais, Natty Eats n'était pas avec moi ce soir car il est avec sa famille. Il passe du beau temps et j'espère que vous faites de même aussi. Mais il sera là la semaine prochaine avec quelques petites surprises. J'ai eu vent de qu'est-ce qu'il a préparé pour vous et j'ai bien hâte d'écouter cette émission. Si vous voulez toujours nous rejoindre, nous sommes disponibles sur Facebook ou sur Instagram. Mais moi et Étienne, on est un petit peu vieux jeu. Ce qu'on aime beaucoup, surtout, c'est pas que vous allez mettre des likes sur notre page. Ce qu'on aime surtout, c'est que vous prenez le temps d'écouter la sélection musicale qu'on a préparée pour vous. On travaille très fort pour vous faire jouer le meilleur du reggae et le meilleur de l'afrobeat, même dans les spéciales des fêtes. Alors, en mon nom et celui de Étienne, on vous souhaite une excellente soirée dans Babylon City parce que c'est tout ce que vous méritez. Mon nom est Christian Lavoie et je vous souhaite une joyeuse fête. La fiera è il premio del mercante, la sola è il gioco stesso a dispetto delle carte. La gente vuole tutto e lo vuole in un istante, poi ti guarda appena con lo sguardo già distante. Stelle che spariscono, parlo ma non mi capiscono, troppe luci colorate mi rincoglioniscono. Pianeta Terra, ultima replica, e tu che speri che domani forse nevica? Tu ancora aspetti che fioriranno sti deserti, mentre io spero soltanto prima o poi di rivederti. Amico mio, chi lo sa dove sei? Forse sempre qui nascosto dentro questi testi miei. Sarà il periodo ma mi prende blues e non riesco a fare altro. Strimpello una chitarra immaginaria mentre immagino che mi guardi. Plongez au cœur des rythmes hypnotiques et des paysages sonores de la musique électronique. Si vous tripez sur le son techno, électro, house ou trance, le 89.1 vous invite à proposer votre émission ou à collaborer avec nos équipes spécialisées. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur l'onglet « Proposer une émission ». Vous pouvez également envoyer votre concept par courriel à programmation@ckrl.qc.ca. Devenez une force créative bénévole de CKRL et aidez-nous à bâtir une programmation riche et diversifiée. Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Salut, c'est la bottine souriante. Si comme nous, vous êtes du monde de party et que vous voulez un retour bien accordé, n'oubliez pas d'appeler l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Et si vous aimez autant veiller tard que veiller sur le monde, ben on est toujours à recherche de bénévoles. Si vous voulez partir, Nez Rouge vous ramène à la porte. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Premier acte et la Vierge folle présente Peter Pan de poche. Que vous ayez 7 ou 77 ans, venez vous réchauffer dans les voûtes de la Maison Chevalier, vous servir dans notre irrésistible bar à dessert et apprendre à voler avec le garçon qui ne voulait pas grandir. Un conte musical drôle et enchanteur conçu pour toute la famille.